إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Wabad. On continue donc la lecture et l'étude de Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité de l'imam Muhammad ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Nous en sommes aujourd'hui au chapitre 54 que l'auteur rahimahullah ta'ala a intitulé « Chapitre au sujet du fait qu'on ne dit pas « Abdi wa Amati », c'est-à-dire « mon serviteur et ma servante ». Donc le shir rahimahullah ta'ala, il a mentionné ce chapitre dans ce livre pour nous démontrer, comme il l'a fait dans un chapitre précédent, l'obligation du respect dû à Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi qu'à ses noms et à ses attributs. Et également, on va voir dans ce chapitre l'importance de couper court à tout chemin pouvant mener au polythéisme et l'importance de préserver et protéger le domaine du tawhid, et ce, en s'écartant des termes et des expressions qui peuvent être ambiguës et qui peuvent sous-entendre ou laisser penser à une forme de polythéisme, à une forme de shirk. Même si celui qui parle ne vise pas le sens erroné. Toutefois, ces termes sont évités, on s'en écarte, afin de couper court à tout chemin menant au polythéisme et afin de préserver le domaine du tawhid, et c'est cela qui est visé par ce chapitre. Et on a vu des questions similaires lors de notre étude du chapitre concernant les efforts du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour préserver le domaine du tawhid et couper tout chemin et toute voie menant au shirk, et ceci entre dans cette généralité. Il fait donc partie de cela l'interdiction de dire « abdi wa amati »« mon serviteur, ma servante ». C'est-à-dire que celui qui a des esclaves, il ne doit pas dire à leur sujet que ce sont ses serviteurs. Car tous les serviteurs sont des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, au verset 93 de Surat Maryam, « In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada » Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux en tant que serviteurs. Tous sans exception. Tous sont des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. La servitude, elle est donc réservée à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Et une créature ne peut pas être le serviteur d'une autre créature comme lui. Car les maîtres et les esclaves sont tous des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est donc pas permis de dire « un tel est le serviteur d'un tel » ou « une telle est la servante d'un tel » où celui-ci est mon serviteur et celle-ci est ma servante. Car ce sont des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et des servantes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceci nous montre une règle de bienséance relative au domaine de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh rahimahullah nous a mentionné un hadith nous démontrant ce qu'il a mentionné dans le titre de ce chapitre. Il a donc dit, dans l'authentique, c'est-à-dire ici les recueils authentiques d'Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. D'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Que nul parmi vous ne dise « Sers à manger à ton Seigneur » ou « Sers l'eau des ablutions à ton Seigneur » ou « Aide ton Seigneur à faire les ablutions ». Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a donc voulu ici attirer l'attention sur l'appellation que le domestique va donner à son maître, et qu'il ne doit pas l'appeler Seigneur. Il dit ensuite, mais qu'il dise, c'est-à-dire, mais qu'il dise plutôt, mon maître ou mon patron. Mais il ne dit pas mon Seigneur, car son Seigneur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a indiqué l'appellation que le maître pouvait donner à son domestique, et il a dit, et que nul parmi vous ne dise, mon serviteur, ma servante, mais qu'il dise plutôt, mon valet ou mon domestique, ma domestique, ou encore mon jeune homme, ma jeune fille, et autres choses semblables, et ceci ne sont que des traductions rapprochées des termes qui sont mentionnés dans le hadith en arabe. On voit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué ici dans ce hadith des termes qui ne comprennent aucun interdit afin de les utiliser à la place des termes qui sont réprouvés. On tire donc de ce hadith plusieurs bénéfices. Premièrement, ce qu'a mentionné l'auteur rahimahullah ta'ala dans le titre de ce chapitre, qu'il n'est pas permis de dire au sujet d'une personne qu'il est le serviteur d'un tel ou qu'elle est la servante d'un tel, comme cela est mentionné très clairement dans ce hadith. Deuxièmement, on voit que le terme Seigneur, lorsqu'il est défini, il ne peut être employé que pour Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est lui le Seigneur de l'univers. Le troisième bénéfice que l'on tire de ce hadith, c'est cette règle connue et immense qui fait partie des règles importantes de notre religion, et qui est la nécessité de couper court à tout moyen menant à l'interdit. C'est-à-dire que toute chose qui mène à l'interdit, elle aussi est interdite. Et ce, afin de se préserver de tomber dans l'interdit. Et ça, c'est une règle importante qui te permet de te préserver de nombre de péchés. Lorsqu'une chose est interdite, tu dois savoir que ce qui mène à celle-ci est aussi interdit. Tu dois donc t'en écarter, et ce, afin de te préserver de tomber dans l'interdit. Le quatrième bénéfice que l'on va mentionner ici, c'est un bénéfice que l'on a déjà vu à travers plusieurs hadiths lors de l'étude de ce livre. Et c'est le fait qu'il est nécessaire, lorsque l'on interdit une chose à quelqu'un, de lui indiquer une bonne chose afin de remplacer cette chose que l'on lui a interdite. Comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Il a interdit certaines appellations, puis il a indiqué les appellations qui sont permises afin de les remplacer. Ceci était donc quelques bénéfices lié à ce chapitre et à ce hadith. Nous allons donc maintenant passer au chapitre 55 que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a intitulé « Chapitre au sujet du fait qu'on ne repousse pas celui qui demande par Allah. » Et ce car, il fait partie de la révérence due à Allah subhanahu wa ta'ala et de la perfection du tawhid de ne pas repousser une personne qui nous demande une chose par Allah. Et le fait de repousser cette personne, ceci est une forme de malfaisance à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est un manquement et une faiblesse en ce qui concerne le tawhid. Il est donc permis d'adresser une demande à une personne en lui adressant cette demande par Allah. Comme on peut le voir dans le premier verset de Sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Wattakullah alladhi tasa'aluna bihi » et craignez Allah au nom duquel vous vous sollicitez les uns les autres. C'est-à-dire qu'en son nom, vous vous adressez mutuellement des demandes. Et également, parmi les preuves de la permission de cela, il y a le hadith que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné et que l'on va lire. Celui qui demande par Allah, donnez-lui ce qu'il demande. Ceci nous montre donc qu'il est permis de demander une chose par Allah, subhanahu wa ta'ala. Et celui qui se voit sollicité, à qui on adresse une demande par Allah, subhanahu wa ta'ala, il répond à cette demande par révérence envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci fait partie de la perfection du tawhid. Le cheikh rahimahullah ta'ala a donc mentionné un hadith nous démontrant cela. Il a dit d'après Ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhumah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui demande par Allah, donnez-lui. Celui qui demande la protection par Allah, alors protégez-le ou préservez-le. Celui qui vous invite, répondez à son invitation. Celui qui fait preuve d'une forme de bienfaisance envers vous, alors rendez-lui l'appareil. Et si vous ne trouvez pas de quoi lui rendre, invoquez en sa faveur jusqu'à ce que vous pensiez que cela équivaut à cette forme de bienfaisance dont il a fait preuve envers vous. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit que ce hadith est rapporté par Abu Dawood et An-Nasa'i d'une chaîne de transmission authentique. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce hadith, celui qui demande par Allah, celui qui vient à toi et qui te dit, je te demande par Allah, et il t'adresse une demande. Lorsqu'il dit cela, c'est comme s'il avait juré par Allah, subhanahu wa ta'ala. Cela a le même sens que s'il disait, Wallahi, tu vas me donner cette chose. C'est le sens de cette demande. Car le ba, lorsqu'il dit dans le hadith, man sa'ala billah, c'est le ba du serment. Donc lorsqu'il dit « Je te demande par Allah », c'est comme s'il disait « Je jure par Allah que tu vas me donner telle ou telle chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc, celui qui demande par Allah, donnez-lui ce qu'il demande. On voit donc que ceci est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de donner à celui qui demande par Allah. Et cet ordre indique en apparence l'obligation. Toutefois, les gens de science ont mentionné que le jugement de la réponse à cette demande dépend de la situation. Si celui qui demande une chose par Allah subhanahu wa ta'ala adresse cette demande concernant une chose sur laquelle il a un droit, alors dans ce cas-là, il est obligatoire de répondre à sa demande. Également, si c'est une personne en grande difficulté, qui a besoin de se nourrir, de se vêtir, ou autre chose semblable, il est en grande difficulté. Et toi, tu as de quoi lui venir en aide en plus de ce dont tu as besoin. Alors dans ce cas-là, il est obligatoire pour toi de lui donner ce dont il a besoin. Et si tu ne le fais pas, tu auras alors désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et rappelez-vous ce que l'on a vu dans un chapitre précédent, dans le hadith au sujet du récit du lépreux, du chauve et de l'aveugle. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est mis en colère contre le lépreux et le chauve qui ont refusé de donner de leur bien à l'ange qui était venu sous l'apparence d'un voyageur en difficulté, malgré qu'ils avaient la capacité de donner, qu'ils possédaient des biens supérieurs à leurs besoins. Donc lorsqu'une personne est dans la difficulté ou dans le besoin, et que tu possèdes des richesses supérieures à tes besoins, il t'incombe alors de venir en aide à cette personne qui t'a sollicité. Et si tu ne le fais pas, tu as certes désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est donc le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure est que la personne demande une chose qui ne lui revient pas de droit. Ou alors une chose dont elle n'a pas réellement besoin, elle n'est pas en difficulté. Dans cette situation, ce n'est pas une obligation de répondre à sa demande, même si elle demande par Allah, subhanahu wa ta'ala. Toutefois, cela reste recommandé. Si cette demande t'est personnellement adressée, il est recommandé pour toi de répondre à cette demande. Mais si tu ne le fais pas, tu n'es pas dans le péché. La troisième situation, le troisième cas de figure, c'est le que la personne adresse une demande générale, sans viser une personne particulière. Elle ne t'a pas adressé cette demande à toi particulièrement. Mais elle s'adresse à plusieurs personnes, par exemple, ou à un groupe de personnes. Je vous demande par Allah de m'aider. Je vous demande par Allah de m'accorder ceci et cela. Dans ce cas-là, ce n'est pas une obligation pour toi particulièrement de répondre. Toutefois, cela reste recommandé. Le quatrième cas de figure, c'est que cette personne soit connue pour le mensonge, par exemple, ou pour la tromperie, et qu'elle profite de la bienfaisance des gens en leur adressant des demandes et les sollicitant par Allah. Dans ce cas-là, ce n'est ni obligatoire ni recommandé, mais cela reste permis de répondre à sa demande. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, celui qui demande la protection par Allah, alors protégez-le ou préservez-le. Par exemple, si une personne cherche refuge auprès d'Allah contre ton mal, dans ce cas-là, il est obligatoire pour toi de le préserver. Et il est interdit de ne pas l'en préserver, ou de lui causer du tort, ou de le léser, mais il est obligatoire de le protéger. Ensuite, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui vous invite, répondez à son invitation. Celui qui vous invite, par exemple, à un repas, qui vous invite chez lui pour manger. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous ordonne ici de répondre à cette invitation, car ceci fait partie des droits de la fraternité. On doit donc répondre à cette invitation, sauf s'il y a une raison légitime nous empêchant d'y répondre. Et le sens apparent du hadith ici est que cela est général concernant toute invitation. Toutefois, les gens de science ont mentionné que l'invitation à laquelle il est obligatoire de répondre particulièrement, c'est l'invitation de la walima de mariage, lorsque l'on t'invite à un repas de mariage. Quant aux autres repas, il est recommandé de répondre aux invitations. Mais celui qui ne répond pas à l'invitation d'un repas de mariage, alors il est dans le péché. Car il est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, et celui qui ne répond pas, il a certes désobéi à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Cela nous montre qu'il est obligatoire de répondre aux invitations à un repas de mariage. Et si la personne ne répond pas à cette invitation et ne se présente pas à ce repas, sans excuse, alors elle est dans le péché. Mais si elle a une excuse, si par exemple, elle sait qu'à ce repas, il y aura des choses blâmables, comme de la musique, de la mixité ou autre parmi les péchés. Et que tu sais que, en te rendant à ce mariage, tu ne pourras pas empêcher cette chose blâmable. Dans ce cas-là, il n'est pas permis de t'y rendre. Et tu as un empêchement te permettant de ne pas répondre à cette invitation. Tu n'as donc pas de péché. Toutefois, si tu sais que si tu réponds à l'invitation, tu seras en mesure d'empêcher le blâmable. Si par exemple tu sais qu'en ta présence, ce blâmable n'aura pas lieu, ou alors que tu seras capable de l'empêcher. Dans ce cas-là, il est obligatoire de t'y rendre afin d'empêcher le mal, bi'idhnillahi ta'ala. Et même celui qui jeûne, il est obligatoire pour lui de faire acte de présence. Si c'est un jeûne obligatoire qu'il est en train de faire, il s'y rend, invoque en faveur de celui qui l'a invité, puis il peut quitter le lieu sans manger. Et si c'est un jeûne surérogatoire qu'il est en train de faire, alors il a le choix entre rompre son jeûne et manger, ou alors simplement invoquer en faveur de celui qui l'a invité, puis quitter les lieux. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Et celui qui fait preuve d'une forme de bienfaisance envers vous, alors rendez-lui l'appareil, quelle que soit cette forme de bienfaisance. Une personne t'a fait un don, t'a donné de l'argent, ou alors t'a rendu un service en t'aidant à accomplir une tâche difficile, ou alors a été bon envers toi en te soutenant moralement ou en te prononçant des belles paroles, quelle que soit la forme de bien qu'il a prodigué envers toi, il est obligatoire que tu lui rendes l'appareil. C'est-à-dire que tu fasses preuve de bienfaisance envers cette personne de la même manière qu'elle l'a fait envers toi. Tu lui rends le bien par le bien. En faisant ainsi, tu lui auras alors rendu l'appareil et en plus de cela, tu éviteras tout reproche ou alors qu'on te fasse sentir que tu es redevable d'une chose ou autre chose semblable. Et cela est légiféré même si celui qui a été bon envers toi est un mécréant. Tu lui rends l'appareil également, car ceci fait partie des nobles comportements desquels doit se parer le musulman. Rendre le bien par le bien, même si cela est envers un mécréant. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, au verset 8 de Surat al-Mumtahana, La yanhaakum Allah 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Allah ne vous interdit pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures. Allah aime vraiment les équitables. Donc si un mécréant est bienfaisant envers un musulman, il est obligatoire pour le musulman de lui rendre l'appareil, en faisant également preuve de bienfaisance envers lui. Et cela est d'autant plus nécessaire dans cette situation, et ce, afin d'éviter que le musulman soit redevable d'une chose envers lui. Et également, ceci fait partie de l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, de montrer le bon comportement des musulmans, de montrer les belles valeurs islamiques, les beaux caractères desquels sont parés les gens de l'islam. Et si les musulmans mettaient en pratique les bons comportements légiférant en islam, et se parer de ceci comme il se doit, alors ceci serait une des plus grandes causes pour que les gens entrent dans cette noble religion. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après nous avoir ordonné de rendre l'appareil, il nous a indiqué une chose importante concernant celui qui n'en a pas les capacités. Il se peut que quelqu'un te rende un service immense et que tu ne sois pas en mesure de lui rendre l'appareil. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit: Et si vous ne trouvez pas de quoi lui rendre, alors invoquez en sa faveur jusqu'à ce que vous pensiez que cela équivaut à la bienfaisance dont il a fait preuve envers vous. C'est-à-dire que si un de tes frères ou une de tes sœurs te rend un service, fait du bien envers toi et que tu n'es pas capable de lui rendre l'appareil, dans ce cas-là, tu invoques en sa faveur jusqu'à ce que tu penses que cette invocation suffise par rapport au service ou à la bienfaisance dont il a fait preuve. Et si c'est un mécréant, alors tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il le guide. Si tu n'es pas capable ou que tu n'as pas les capacités de lui rendre l'appareil, tu invoques pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guide à l'islam. Ce hadith, il comprend donc de nombreux bénéfices et on se contentera ici d'en citer quelques-uns. Premièrement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a ce que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné dans le titre de ce chapitre. Et c'est pour cela qu'il l'a mentionné ici, qu'il est obligatoire de donner à celui qui demande par Allah, et que l'on ne doit pas le repousser. Car ceci est une forme de révérence qui est due à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est de donner en raison de cette demande qui a été faite en son nom. Et le fait de repousser la personne qui demande par Allah, c'est une forme de malfaisance à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci indique un manque et une faiblesse dans le tawhid. Quant au fait de lui donner, cela fait partie de la perfection du tawhid et du respect de la révérence à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième bénéfice que l'on tire de ce hadith, c'est l'obligation de préserver celui qui cherche refuge par Allah subhanahu wa ta'ala, et de ne pas lui causer du tort et de ne pas transgresser à son égard, car ceci s'oppose à la perfection du tawhid. Le troisième bénéfice que l'on tire de ce hadith, c'est l'obligation pour le musulman de répondre à l'invitation de son frère musulman. Comme on a dit, ceci permet de faire régner la concorde entre les musulmans, et ceci fait augmenter l'amour mutuel qu'ils éprouvent les uns envers les autres, et cela permet de concrétiser la fraternité religieuse. Quant au fait de ne pas répondre aux invitations, alors cela engendre le contraire. Cela engendre la haine, l'aversion, l'animosité entre les gens. Et c'est pour cela que ceci ne fait pas partie du bon comportement. Le quatrième bénéfice qu'il y a dans ce hadith, c'est la preuve de l'obligation de rendre l'appareil à celui qui a fait preuve de bienfaisance envers nous. En lui rendant l'appareil autant que possible, et si on ne peut pas, d'invoquer alors en sa faveur. Et le cinquième bénéfice, c'est l'interdiction de ne pas rendre l'appareil à celui qui a été bienfaisant envers nous, qui nous a rendu un service. Car ceci fait partie des comportements vils qui ne conviennent pas aux musulmans. Comme le font certaines personnes, qui demandent toujours à ce qu'on leur rende service et qui profitent de la bienfaisance de leurs frères, de leurs sœurs, et ainsi de suite, mais qui de leur côté ne font jamais preuve de bienfaisance envers les autres. Ceci s'oppose au bon comportement par lequel doit se parer le musulman. On a donc terminé avec ce chapitre. On va maintenant passer au chapitre 56 que l'auteur rahimahullah ta'ala a intitulé chapitre On ne demande par le visage d'Allah que le paradis. Le shir rahimahullah ta'ala a mentionné ce chapitre dans Kitab al-Tawhid afin de nous démontrer l'obligation de révérer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car révérer les attributs d'Allah fait partie de la révérence qui est due à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette révérence, elle fait partie du tawhid. Quant au fait de ne pas révérer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci indique un manquement et une faiblesse dans le tawhid, et c'est une forme de mépris envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit ici qu'on ne demande par le visage d'Allah que le paradis. Et on va voir le hadith qu'il a mentionné à ce sujet. Mais avant cela, il est important de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un visage. Que le visage est un des attributs, parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est confirmé dans les textes du Coran, de la Sunna, et au sujet duquel sont unanimes les savants de la Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala dit à titre d'exemple dans son livre, dans Surat ar-Rahman, « Kullu man alayha fan, wa yabqa wajhu rabbik » Tout ce qui est sur elle disparaîtra et ne restera que le visage de ton Seigneur. Il a donc affirmé, subhanahu wa ta'ala, pour lui-même un visage. Il y a de nombreux hadiths qui sont venus dans la sunna, dans lesquels le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a affirmé cela. Et parmi ces hadiths, il y a ce hadith que l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a mentionné, que l'on va lire par la suite. Le visage fait donc partie des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Toutefois, il est important pour nous d'affirmer cela, en ayant la certitude que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas semblables aux attributs de ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala a un visage et les créatures ont un visage. Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains et les créatures ont deux mains. Allah subhanahu wa ta'ala a l'ouïe et la vue et les créatures ont aussi l'ouïe et la vue. Toutefois, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils conviennent à sa grandeur et à sa majesté. Quant aux attributs des créatures, ils conviennent à la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala les a créés. Et il n'est pas permis de comparer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala aux attributs de ses créatures. Comme on l'a vu dans des cours précédents, avec ce verset immense qui est une base à ce sujet, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 11 de Surat al-Shura, « Laysa ka mithlihi shay, wa huwa as-sami'u al-basir. Rien n'est semblable à lui. » Et il est celui qui entend et celui qui voit tout. Donc celui qui compare Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures, Alors celui-ci a mécru. Et celui qui renie les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala par lesquels il s'est décrit, alors celui-ci a également mécru. Et entre dans cela le fait de renier le visage. Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé dans son livre, pour lui-même, l'attribut du visage. Celui qui renie cela, qui renie ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé pour lui-même, c'est comme s'il traitait Allah subhanahu wa ta'ala de menteur, wal'iyadu billah. Et il fait partie de la foi que tu aies foi en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et au destin qu'il soit bon ou mauvais. Et il fait partie de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, la foi en ses noms et ses attributs, selon la manière qui convient à sa grandeur et à sa majesté, subhanahu wa ta'ala. Nous disons donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un visage, comme il l'a affirmé pour lui-même, mais ce visage n'est pas semblable au visage de ses créatures. Le shir, rahimahullah ta'ala, a donc mentionné un hadith dans ce chapitre et il a dit, d'après Jabir, radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, on ne demande par le visage d'Allah que le paradis, rapporté par Abu Dawud. On ne demande par le visage d'Allah que le paradis. Et ce car le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala est un de ses attributs immenses. On ne doit donc pas lui demander par celui-ci des choses qui sont viles et méprisables, comme les biens éphémères de ce bas monde. Mais on ne demande à Allah subhanahu wa ta'ala par son visage qu'une chose qui correspond à sa grandeur. Et cette chose, c'est le paradis. Car le paradis est la chose la plus importante que l'on peut demander. Et c'est la plus grande chose que peut espérer le croyant. Entrer au paradis et voir le noble visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on ne demande par le visage d'Allah que le paradis ou alors une chose qui mène au paradis. Comme l'accomplissement des œuvres pieuses qui mènent à ce paradis. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le disait dans une de ses invocations qui nous est rapportée dans un hadith dans laquelle il dit « As'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal » Je te demande le paradis et ce qui rapproche de celui-ci parmi les paroles et les actes. Donc, il fait partie de la révérence envers Allah et de la révérence envers son attribut immense qui est le visage, de ne lui demander par ce visage que le paradis ou ce qui mène à celui-ci, et de ne pas lui demander des choses méprisables comme les biens de ce bas monde. Et ceci ne veut pas dire qu'il n'est pas permis de demander à Allah subhanahu wa ta'ala les biens de ce bas monde, de demander une maison, un moyen de transport, des enfants, de l'argent, un travail ou autre parmi les biens de ce bas monde. Il n'y a pas de gêne en cela. Il t'est permis de demander ces choses à Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, tu ne les demandes pas par son visage. Mais si tu demandes une chose à Allah subhanahu wa ta'ala par son visage, alors demande-lui le paradis ou ce qui y mène. On a donc terminé ce chapitre. On va donc s'arrêter là pour ce soir, incha'Allah ta'ala. Et on continuera la suite dans le cours de demain. Bi'inillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.